La vie en BD vous est présentée en direct du Centre des congrès de Québec dans le cadre du Festival de la BD francophone de Québec. C'est l'émission La vie en BD qui débute, une édition exceptionnelle puisque nous sommes hors des studios habituels du 89.1. Nous sommes ici au Centre des congrès de Québec à l'occasion du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Raymond Poirier au micro, toujours avec vous jusqu'à 18h30 avec une belle série d'entrevues, de belles rencontres à saveur internationale avec les invités du festival. On va avoir en fin d'émission Étienne Davodeau qui sera de passage pour nous jaser de ses derniers ouvrages. On aura Lolita Séchant qui sera avec nous également pour jaser des Brume de Sapa. Et on va commencer l'émission dans quelques instants avec Johan pour nous parler, entre autres, évidemment, de Spirou et Fantasio. Alors, vous avez bruit de fond alors que la soirée ici débute du côté du Salon du Livre. Eh bien, Johan, bonjour. Et bonjour à vous. Alors, évidemment, la grande question, j'imagine, qu'on vous lance, c'est un peu en lien toujours avec Spirou et Fantasio, votre travail des dernières années. Comment on s'approprie en fait des personnages aussi emblématiques que Spirou, Fantasio ou par après justement le Marsupilami pour pas nécessairement refaire ce que vos prédécesseurs avaient fait, que ce soit côté dessin ou pour Fabien Vellman côté scénario, mais pour réussir à leur donner une couleur qui vous convienne aussi, qui vous intéresse? Il est vrai que Spirou et Fantasio, c'est une série qui a bientôt 80 ans. On va bientôt fêter les 80 ans de cette série. Elle a été reprise par environ une dizaine d'équipes d'auteurs ou tout seul ou en tandem, hein, comme Thomas Jean-Ry ou Morvan Emmanuera. Nous, notre la manière de s'approprier la série, c'est d'abord le secret, c'est d'abord plutôt une profonde connaissance de la série. Moi, étant enfant, je lisais Spirou et Fantasio, je dévorais les albums, je connaissais vraiment l'intégralité par cœur. Franquin, c'était mon maître à dessiner. Donc le processus en fait plutôt s'apparente à un parcours vraiment plutôt qu'à un objectif, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on fait les albums, eh bien le dessin s'installe, on se sent plus à l'aise, il y a peut-être des petits changements qui se font, on s'approprie la série comme ça en travaillant dessus. Et j'imagine en faisant des choix aussi, par exemple, dès le départ, vous avez choisi de remettre à Spirou son costume de groom. En fait, je me rappelle dans les entrevues, vous disiez, c'est un peu comme Batman. En fait, s'il n'y a pas son costume, c'est pas un héros. Ensuite, éventuellement, le Marsupilami est revenu dans l'écurie, si on peut dire. Et là, vous lui avez redonné une certaine animalité aussi pour s'éloigner un peu d'un côté cartoon qu'il avait acquis au fil du temps où il était disparu de la série et il a été réintégré. Donc, c'est des choix aussi qu'il faut faire. Tout à fait. C'est des choix qu'on a la chance et la liberté de pouvoir faire. L'éditeur nous laisse et nous fait confiance là-dessus. En même temps, la série Marsupilami est différente du Marsupilami qui accompagne Spirou et Fantasio. Et notre démarche a été de bien séparer les caractères des personnages, aussi bien dans son attitude, dans son rapport à l'environnement, dans son rapport aux autres, que dans son aspect physique aussi. Le Marsupilami que je vais dessiner est un Marsupilami en plus des origines. Des années 50-60 de Franquin, où il est plus athlétique, taillé en V, il a des petites pattes arrière, mais des grands bras, et des oreilles plus un peu plus longues. Donc bon, c'est un personnage, et on a voulu aussi lui donner ce côté, effectivement, animal, dans le sens où c'est pas un doudou, c'est pas un teddy bear, c'est, un peu contrairement à la série Marsupilami de Batem où il est très humanisé, il a une famille, des enfants, c'est presque monsieur tout le monde en fait, hein. C'est limite s'il ne sait pas réparer une machine à laver, quoi. Donc nous on a vraiment envie de redonner à Spirou et Fantasio leur Marsupilami, leur animal, celui qui faisait des bêtises, celui qui était imprévisible, celui qui était colérique, celui qui pouvait les mettre dans des situations délicates. Et c'est ce qui est intéressant aussi, j'ai l'impression, avec la notion de la reprise d'une série comme ça. Vous l'avez dit tantôt, Johan, c'est quand même 80 ans d'histoire, donc on peut aller puiser des éléments. Vous dites, OK, le Marsupilami, comment on le ramène? Bon, on va voir un peu qu'est-ce qui était fait, on va voir qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui nous accroche. Et en même temps, ben, si vous avez la liberté aussi, on l'a vu dans les derniers albums, d'aller chercher des enjeux, des thématiques qui se rapprochent peut-être un peu plus de l'actualité, dans le fond, de ne pas être obligé de faire un hommage, mais de faire continuer de progresser aussi cette série-là avec des enjeux qui sont somme toute actuels. Tout à fait. Spirou, notamment à travers Franquin et Fournier d'ailleurs, a parfois eu des allures de séries qui commentaient l'actualité internationale, puisque notamment dans Le Dictateur et le Champignon, qui est un album de Franquin où il prend clairement position contre évidemment les dictatures, l'armement. Il était très antimilitariste. Fournier, dans Des haricots partout, dénonçait les trafics de drogue, d'armes, etc., auxquels se livraient les dictateurs dans leur pays. Donc voilà, on n'en est pas si loin aujourd'hui. De toute manière, ce sont malheureusement des termes qui sont encore récurrents. Et voilà, à travers Spirou et Fantasio, nous, de notre côté, on a pu aborder des sujets très proches de l'actualité, notamment dans le groom de Sniper Alley, où Spirou doit retrouver un trésor dans un pays de Moyen-Orient qui est en guerre. On pense tout de suite, malheureusement, à des choses qu'on connaît bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaye de proposer une fenêtre sur le monde actuel aux enfants, sans pour autant aller les traumatiser ou être moralisateur. Oui, puis ça change, j'imagine, aussi que pour certains lecteurs, et c'est un peu le cas dans beaucoup de reprises, j'imagine, en fait, il y a des gens qui commencent la série avec vous, en fait, pour qui vous êtes les premiers auteurs de Spirou et Fantasio, puis après ça, qui vont aller à rebours tranquillement vers des albums emblématiques et tranquillement, éventuellement, peut-être la balance de la série. Donc, autant on accompagne des gens dans cet univers-là, autant on accompagne des gens qui, eux, y sont depuis l'enfance, un peu comme vous, comme moi. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est l'avantage et je dirais presque l'inconvénient aussi d'une série comme Spirou et Fantasio qui est multigénérationnelle, qui a traversé 8 décennies avec des générations de lecteurs très différentes. L'avantage, c'est qu'on a un public qui est très large et puis on est une communauté d'esprit, je suppose en tout cas. L'inconvénient, c'est que certains de ces lecteurs sont parfois très conservateurs. Comme vous le disiez, en fait, il y a des lecteurs qui vont préférer Tom et Jean-Ry parce qu'ils sont nés à l'époque de Tom et Jean-Ry. Ils connaissent pas très bien Franquin, finalement. Il y en a qui ne jurent que par Fournier, etc. Et il est très difficile, pour le coup, pour nous, nouveaux pères adoptés de la série, de faire nos preuves et de convaincre certains qui sont persuadé que finalement on ne fait pas du bon boulot, que c'était mieux à l'époque de Fournier ou à l'époque de Franquin, bien entendu. et en même temps, il faut dire aussi que quand ça avait été annoncé à l'époque, vous sortiez du premier, parce que vous avez inauguré les Spirou Vipart, ouais. Et c'était les géants pétrifiés. Et ce que vous aviez livré, c'était radicalement différent en termes de dynamique de la série classique, de la série originale, dans la mesure où là, vous aviez un peu opposé, dans le fond, Spirou et Fantasio, oui. dans ce qui aurait jamais pu être, dans le fond, un album de la série normale. Bien sûr. Bah, disons que là, on a, dans cet album-là, qu'on a accepté de faire avec l'idée derrière qu'on n'en ferait jamais d'autres après. C'était le but de la collection des Spirou Vipart. On a inauguré cette collection en nous disant voilà, on vous propose de faire un album de Spirou, sachant qu'on n'en fera qu'à un seul. Donc on a un peu concentré toutes les idées, tout ce qu'on avait de vue sur la série Spirou et Fantasio, à la fois comment elle devait se positionner, à quelle époque, quel thème elle pouvait aborder, quel rapport entre les personnages on souhaitait, comment la faire un petit peu bouger. Et je pense que cet album-là, pour nous, a été un album fondateur parce qu'il a posé les bases de ce que finalement on développe aujourd'hui sur la suite de la série. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que Spirou et Fantasio ne soient pas des jumeaux comme on a pu les ressentir à certains moments de la série. Ils ont des centres d'intérêt différents et on le sait, puisqu'on en a beaucoup parlé avec Fabien, même si on n'a pas forcément décrit cela de manière textuelle ou en images dans les albums à chaque fois, mais on sait pour nous, au fond de nous, que voilà, Spirou va habiter dans plutôt tel genre d'appartement, qui va être décoré comme ça, qui va collectionner tel genre d'objets, qu'il va écouter tel genre de musique, et Fantasio lui va être dans un autre trip, beaucoup plus nerd, plutôt geek, etc., etc. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de la différence de leur personnalité. Oui, puis d'une certaine manière, en fait, contrairement au géant pétrifié, où là vous aviez un one shot pour établir un peu la dualité, dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'elle se construit aussi tranquillement au fil des albums, et on le voit aussi où leurs désaccords peuvent devenir un certain moteur de dynamique, en fait, à l'intérieur. On essaie de faire en sorte que leur désaccord soit complémentaire, voilà, et pas destructeur ou autodestructeur. Voilà, ils vont jamais vraiment se fâcher, ils vont s'agacer sûrement, se faire la tête quelques jours, et puis voilà, et tout va rentrer dans l'ordre. Oui, en fait, c'est toujours un peu le défi dans des séries comme ça, parce que dans le fond, il faut que ça évolue, mais pas trop, parce qu'en même temps, la dynamique reste globalement la même depuis toujours, mais en même temps, en se permettant aussi des petites évolutions, donc ne serait-ce qu'au niveau visuel aussi, il faut y aller doucement, j'imagine, on peut pas arriver en réinventant les trucs, mais après 5, 6, là, tranquillement, on peut trouver un peu de Toto l'Ornithorynque, par exemple, dans le Marsupilami. Absolument, de toute façon, c'est vrai que pour moi, cet album-là, l'album de la colère du Marsupilami, où Spirou et Fantasio retrouvent, après après 40 ans et une amnésie totale, le personnage. Ça a été un véritable délice de replonger dans l'univers de la forêt vierge, de la forêt amazonienne, enfin, forêt primitive que je dessine depuis longtemps dans Toto l'Ornithorynque, qui est une autre série jeunesse que je fais pour les enfants, dont on va fêter les 20 ans d'ailleurs cette année. Il y aura un nouvel album. Alors, enfin, c'est un peu la nécessité aussi, j'imagine, quand on plonge dans des univers comme ça, qui ne sont pas nécessairement les nôtres, mais qu'on s'approprie, d'essayer d'avoir un équilibre au niveau travail entre des séries qui sont qu'on emprunte, en fait, qui deviennent les nôtres, et des séries qui sont les nôtres dès le départ aussi, pour créativement, j'imagine, rester stimulé, rester motivé. Ben oui, évidemment, la difficulté étant que Spirou, par exemple, est une série que j'adore, mais qui est extrêmement chronophage, évidemment. Sur Spirou, on ne peut pas travailler à moitié, c'est à plein temps, c'est 200% de mon temps sur Spirou, et c'est très difficile, pour le coup, de trouver cet équilibre entre deux albums, aller faire autre chose. Alors, j'ai de la chance, parce que maintenant, je commence à m'installer un petit peu dans la série, je commence à avoir un peu mon rythme. J'ai de la chance de pouvoir terminer des projets que j'avais commencé à faire avant Spirou, notamment une BD qui s'appelle Les Captains, qui est une BD de super-héros qui paraît dans le journal de Spirou à l'heure actuelle, un album de Toto l'Ornithorynque pour les 20 ans de la série. Tout ça me permet une respiration et ça vient rééquilibrer justement un peu les contraintes qu'on a sur Spirou, parce qu'il y en a, hein. La série appartient à l'éditeur, il prend grand soin et le contrôle et valide toutes nos avancées. Et j'imagine que ça change un peu la dynamique même pour les autres albums, dans la mesure où c'est plus Johan, l'auteur de Toto l'Ornithorynque, c'est Johan, auteur de Spirou, qui fait aussi d'autres séries. Est-ce que c'est une dynamique qui existe, ou vous réussissez, ou au contraire, en fait, comme Spirou est très identifié à Spirou, ben nécessairement les autres séries vous les gardez pour vous? Évidemment, pour moi, professionnellement, le fait de travailler sur Spirou fait que j'ai un autre aura, une autre écoute de la part des éditeurs et des autres professionnels, c'est évident. Mais je reste Johan et avec mes forces et mes faiblesses. Et à travers tout ça, en fait, j'imagine, en termes de travail, bon, chaque album de Spirou, si on reste un peu dans cet univers-là, c'est un peu une série qui est une série one-shot ou diptyque, d'une certaine manière, donc on change beaucoup aussi de lieu, ça permet beaucoup de changer de décor, de changer d'ambiance et le reste, mais en parallèle, il y a aussi, j'imagine, le défi de la recherche. En fait, on parlait du Moyen-Orient tantôt, mais il faut bien le représenter. Après ça, si on passe dans la forêt vierge, il faut bien réussir aussi à s'approprier ce paysage-là et toutes les intermédiaires jusqu'à la lune et le reste. Alors que comment on travaille un peu, qu'est-ce que ça représente comme travail en amont peut-être pour bien planter les décors et la science aussi des albums? On a la chance aujourd'hui d'avoir quand même des outils qui permettent de se renseigner très précisément sur la documentation. Évidemment, Internet, c'est un outil formidable, presque trop d'ailleurs, parce qu'on a un choix énorme et il faut trier dans tout ça ce qu'on nous propose. Il y a des sujets qui sont aussi pour lesquels je suis plus à l'aise. On parlait de la nature, de la forêt, tout ça fait partie d'une culture générale que j'ai acquise, de connaissances que j'ai acquises au fil des années, comme tout le monde. J'étais un gamin passionné par les animaux. Quand je dessinais pas, je passais mes journées en forêt ou à lire des bouquins ou à me balader, prendre des photos et animalières. Mais donc ça, je suis à l'aise avec ça. Par contre, c'est vrai que une histoire sur la lune, une base, des trucs comme ça, c'était moins, même si je suis bercé à la science-fiction comme beaucoup de gens de ma génération. En même temps, c'est fabuleux, parce qu'à nous d'inventer quelque chose de nouveau qui corresponde à Spirou, qui corresponde à des fantasmes aussi, puisque là, c'est l'idée d'un, notamment dans La Face Cachée du Z, qui est un album où Spirou se retrouve dans un espèce de parc d'attractions sur la lune, sur la face cachée. Et justement, dans ces contextes-là, par exemple, si on a une base lunaire, est-ce qu'on va chercher d'autres influences, des ressources pour dire, la base, le design, tel truc, tel vaisseau, est-ce que ça marche? Est-ce que la science que vous mettez en place fonctionne dans la réalité ou fonctionne assez pour qu'on ait l'impression que ça puisse fonctionner? Alors, pour être très honnête, sur cet album-là, surtout, on a eu un gros coup de main du designer de Spirou qui s'appelle Fred Blanchard, qui travaille avec nous sur certains décors, notamment les décors de science-fiction, les véhicules guerriers ou des choses comme ça, parce que lui, il est très très fort là-dedans. Moi, je pourrais le faire tout seul, mais ça me prendrait beaucoup plus de temps et je serais certainement moins bien fait. Donc là, je me permets de rendre hommage à Fred Blanchard et je vous invite à aller voir son travail. Il a travaillé pour le cinéma, pour le dessin animé. Il est directeur de collection aux éditions Delcourt aussi, de la collection série B. C'est juste un génie du design. Donc on est vraiment très très heureux d'avoir une équipe comme ça, quoi. Et j'ai l'impression qu'on oublie justement, on pense beaucoup à la couleur, dessin, écriture, mais qu'on oublie qu'il y a d'autres spécialités qui peuvent intervenir finalement et qu'on soupçonne pas, parce que dans le fond, vous dites ça, mais peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et disent, voyons, il y a des modèles, il y a des trucs qui se font en 3D presque pour réussir après ça à orienter le dessin. Ah oui, mais non, on l'utilise pas ça, la 3D encore. On préfère garder quelque chose qui est un peu plus vivant, c'est-à-dire qu'on estime que les erreurs, la 3D c'est trop parfait. Les erreurs qu'on peut faire finalement sont peut-être plus adaptées à l'expression de la bande dessinée que la 3D en elle-même. Mais bon, ça c'est notre point de vue. Oui, ben en fait, il faut dire que de manière générale, en fait, la série officielle de Spirou nécessite quand même un certain classicisme dans le choix du récit, dans son animation. Donc, oui, il y a des distances qu'on peut prendre, mais en même temps, il y a quand même quelque chose de très très ancré. Oui, bien sûr. Alors là, au niveau du design, c'est évident qu'on a, par exemple, j'ai donné clairement comme directive entre guillemets, Fred Blanchard, dans la mesure où on peut donner une directive, c'est de se dire, soyons d'accord sur le fait qu'on veut une esthétique qui soit un petit peu 50s, tu vois, années 50, les débuts de la science-fiction, le début du... comment on voyait le futur dans ces années-là, notamment les années 58 avec on avait en Belgique la foire internationale avec l'atomium qui a été construit, des choses comme ça. Donc on est aussi un peu, on fait écho à l'approche qu'avait Franquin dans les albums de Spirou classiques, le repère de la Murène, Z comme Zorglub, où lui avait sa vision de la science-fiction aussi, qui était très rétro maintenant pour nous, mais que je trouve véritablement charmante. Donc j'avais envie de garder cet état d'esprit là pour les albums qui utilisent évidemment une approche de la science-fiction dans Spirou. Oui, parce que en fait, j'ai l'impression aujourd'hui la science-fiction, on est peut-être un peu plus pessimiste qu'on l'était dans les débuts de Spirou et Fantasio. Donc... On a vu tellement de choses en science-fiction, que ce soit en passant par Star Wars, Alien ou Predator ou d'autres choses comme ça. On a vraiment tellement de vues sur la science-fiction que... Mais c'est comme ça fait du bien de retourner dans une époque où c'est... Un peu fraîche. Un peu fraîche, oui, c'est ouais. Ça. Où à l'époque c'était frais, puis on dirait comme on le fait moins aujourd'hui, mais ça reste frais aussi. Ouais. Je trouve qu'effectivement, c'est ce que j'essaie d'apporter dans la bande dessinée. Le prochain album de Toto l'Ornithorynque, j'ai envie de quelque chose de frais, j'ai envie de vacances, donc ça va se passer sur des îles, avec des cocotiers, des tortues marines, des pélicans et tout ça. Donc voilà. Et pour Spirou, on a besoin aussi de distanciation comme ça. Je pense que c'est important. Et j'imagine pour Toto, on est aussi, vous arrivez à votre éditeur, vous dites, ben là, il faut que j'aille faire de la recherche terrain, donc... je pense qu'il gobera jamais ce genre de truc. Et justement, en fait, 20 ans pour une série comme ça, pour Toto l'Ornithorynque, c'est aussi, j'imagine, en fait, ça doit faire plaisir de savoir que sa création à soi a réussi à passer à travers quand même pas mal d'années. Mais c'est 20 ans. Oui, mais c'est très étrange parce que du coup, il y a cette espèce d'effet étonnant où les gamins qui avaient 7 ans quand ils lisaient Toto l'Ornithorynque il y a 20 ans, maintenant ils en ont 27 et ils viennent me voir dédicacer des albums de Toto pour leurs enfants. Et moi, j'ai toujours l'impression d'avoir 25 ans comme quand j'ai démarré cette série-là, quoi. Donc, c'est vraiment très, très étrange. Le temps passe vite, mais je suis content parce que finalement le fait d'avoir exigé de cette série qu'il n'y ait pas d'humain dans Toto l'Ornithorynque, que ce soit pas qu'on puisse pas le placer dans le temps, ça a finalement créé une série intemporelle et qui vieillit pas et que tous les gamins peuvent lire. Pouvaient lire il y a 20 ans, qui peuvent lire aujourd'hui et ça posera aucun problème. Et d'avoir comme ça une série qui nous suit aussi pendant des années, est-ce que ça fait prendre conscience aussi plus de l'évolution qu'on a? Parce que à l'époque où vous aviez 25 ans, aujourd'hui, mais j'imagine votre dessin, votre maîtrise, évidemment, ça a évolué. Est-ce qu'en regardant les premiers albums de ça, ben vous dites, OK, vous prenez conscience, en fond, de l'expérience qui était acquise? Oui, j'en prends conscience, mais je ne suis pas du genre à avoir des regrets. C'est-à-dire que je vois les fautes, je vois les erreurs que j'ai pu commettre, ou les choses en me disant, ça, c'était pas terrible. Mais finalement, je les accepte. On ne peut pas les changer, de toute manière. Je ne vais pas refaire les pages, je ne vais pas les redessiner pour qu'elles soient mieux 20 ans après. Et je pense que si la série a eu du succès, parce qu'elle en a eu, c'est aussi alors qu'elle comportait ces erreurs-là, donc ça me pose aucun problème. Non, et puis effectivement, en fait, dans le fond, ça serait même cruel à la limite de se dire, OK, finalement, j'aime pas ça, puis de renier une part importante, dans le fond, de votre travail. Non, je suis assez serein par rapport à mon travail passé. Je l'assume complètement. Et dans le fond, tout ça nous amène aussi à dire que j'ai l'impression, en fait, il y a un certain optimisme qui se dégage de vos séries. En fait, Spirou, ça reste fondamentalement optimiste. Toto, il y a quand même quelque chose de positif aussi dedans. Donc, c'est pas non plus des trucs que vous arrachez le cœur à... Non, mais j'arrive pas. Moi, je suis d'une nature optimiste, même si j'ai des passages un petit peu nostalgique, on va dire. J'ai un fond nostalgique, comme ça. Mais je suis très très très très optimiste comme garçon. Là, la nouvelle série qu'on prépare qu'on va sortir au Lombard et qui paraît dans le journal de Spirou, les Captains, c'est une série avec des super-héros qui ont des pouvoirs un peu nuls et qui doivent vivre ensemble dans une sorte de loft pour essayer de sauver la Terre d'une invasion de monstres et tout. Mais voilà, c'est rigolo, quoi. C'est un truc, c'est frais, c'est un peu couillon comme histoire, mais je pense que ça, justement, j'ai envie que les gens se marrent en lisant des trucs comme ça. J'ai pas envie qu'il y ait, finalement, Avengers, c'est chouette, mais c'est tellement pessimiste, c'est tellement triste. J'ai envie de faire des super-héros marrants, moi. Et puis j'imagine, en fait, de plus rigoler en travaillant, en réalisant la série, mais de vous permettre ce recul-là, j'imagine que vous êtes un peu le premier public de votre dessin, là, somme toute. Oui, bah oui, complètement. Ouais. Puis du coup, je reconnecte aussi avec en me disant, allez, j'ai une idée vraiment idiote, et bah, allons-y, j'ai la liberté de le faire, allons-y. Ça va être marrant, ça va faire rigoler les gens. Et j'imagine qu'aujourd'hui, plus que quand vous avez commencé, avec les médias sociaux, Internet et le reste, mais les feedbacks, est-ce qu'ils arrivent un peu différemment? Parce que, dans le fond, à l'époque, c'était beaucoup dans les festivals, les salons. Aujourd'hui, ça peut être pratiquement constant si on se silence un peu trop. Ouais, alors je suis pas extrêmement à cheval sur les feedbacks. C'est-à-dire que j'évite trop de trop aller voir sur les forums ou des choses comme ça, parce que je sais notamment concernant Spirou que c'est un sujet sensible et que il y a en tout 4-5 types qui sur les forums détestent notre travail et l'expriment de toute manière, et quoi qu'on fasse, même si on s'arrache les tripes pour faire des trucs le mieux qu'on peut, ils trouvent qu'on ne sera jamais assez bien. Donc il faut passer outre ça. Mais maintenant, oui, j'essaie d'utiliser au mieux possible les outils de réseaux sociaux qu'on a à notre disposition, soit Instagram, Facebook ou des choses comme ça. Et j'ai une page officielle Facebook sur laquelle les gens qui aiment notre travail peuvent aller voir, se manifester, communiquer avec moi. Je réponds aux questions. Il n'y a pas de souci. Je pose des photos. C'est de la communication, quoi. Travail que l'éditeur fait de moins en moins, pour le coup. Oui, donc il faut prendre la relève. Mais Johan, merci beaucoup d'avoir passé quelques temps avec nous. Et merci à vous de m'avoir invité, c'est avec grand plaisir. Et bonne fin de festival. Merci beaucoup, et vous aussi. Au revoir. Vous êtes toujours à CKRL 89 ans. On poursuit cette édition spéciale de la vie en BD en direct du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Je mentionne d'ailleurs, en fait, petit tirage au milieu d'émission, là, si vous avez envie d'aller voir dimanche le 9, l'Harmonie de Charlebourg en concert dessiné, 50 musiciens, 2 dessinateurs autour de l'univers des contes de fées, des frères Grimm jusqu'à Miyazaki. Eh bien, c'est possible de le faire, et j'ai même une paire de billets pour vous, chers auditeurs, auditrices. Alors, si vous voulez mettre la main sur celle-ci, bien, on va prendre le premier rappel, on vous donne pas trop de marge. Vous appelez au 88-640-1586 et vous donnez votre nom si vous êtes le premier appel pour avoir donc une paire de billets pour ce spectacle dimanche. Et maintenant, on va plonger dans l'album Les Brumes de Sapa. Lolita Séchant est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, dans certaines entrevues, d'ailleurs, vous avez mentionné que les années passées à travailler sur cette bande dessinée ont servi un peu, pour le contexte, vous racontez votre voyage donc au Vietnam, à Sapa, il y a de ça plusieurs années. Ça a été presque thérapeutique de faire le voyage et thérapeutique de faire la BD aussi. Oui, presque encore plus de faire la BD. Ça m'a pris 5 ans parce que je ne savais pas dessiner, donc j'ai appris en le faisant. Et c'est vraiment parti d'une envie de raconter l'histoire de cette petite fille que j'ai rencontrée au nord du Vietnam, qui fait partie des minorités ethniques, qui ont un statut assez compliqué par rapport aux Vietnamiens, parce que pendant la guerre du Vietnam, ils ont servi d'indique aux Américains contre les Vietnamiens, parce qu'ils étaient nomades dans les montagnes à la frontière de la Chine. Et du coup, les Vietnamiens leur en tiennent rigueur. Donc moi, j'ai voyagé là-bas il y a 15 ans. J'ai rencontré cette petite fille dans le nord du Vietnam. Elle avait 12 ans, j'en avais 22, et elle m'a raconté un peu sa vie et les conditions de son peuple et de sa minorité. Et ça m'a bouleversée. Je suis rentrée en France, j'y ai pensé pendant 2 ans, je suis retournée la chercher, et je l'ai trouvée au bout d'une semaine, et elle ne se souvenait pas de moi. Et à partir de là, j'ai décidé qu'on serait amis, et j'y suis retournée tous les ans pendant 15 ans. Et je voulais vraiment raconter ça, mais à travers ça, pour en faire un récit, j'ai essayé de lier notre histoire, j'ai essayé de mettre en parallèle 2 parcours de femmes à 2 bouts du monde différents. Et donc forcément, j'ai parlé de la famille, de toutes les questions qu'on peut se poser à ces âges-là. Et donc, ça a été plus thérapeutique que je le pensais. Et en plus, justement, avec la notion d'apprentissage, parce que pour un premier album, vous lancez quand même avec quoi? 256 planches, globalement, avec... on sent aussi une certaine évolution dans votre dessin, une maîtrise qui s'acquiert au fil du temps, au fil de 5 années. Donc, c'est quand même pareil. Est-ce que en cours de route, d'ailleurs, on résiste un peu, soit... Comment on se lance d'abord dans un travail comme ça, un peu inconsciemment ou avec une bonne préparation? Puis, comment quand on est rendu au milieu, on se dit, est-ce que je retournerai au début pour recommencer un peu ou... On se lance inconsciemment, ça c'est sûr, juste avec l'envie de raconter cette histoire. Enfin, c'est même pas une envie, c'est le besoin. En fait, je pouvais pas ne pas la raconter, cette histoire. Au début, je pensais que c'était son histoire à elle que je ne pouvais pas ne pas raconter. En fait, au fil du temps, je me suis rendu compte que j'avais besoin de sortir des choses à moi aussi. Ensuite, j'ai écrit un scénario qui faisait 30 pages. Je me suis vite rendu compte que ça allait devenir 300 pages de BD. Donc, j'étais un peu désespérée. Mais je me suis jamais posé la question, ou j'ai jamais vu comme éventualité d'arrêter, en fait. Il fallait que j'aille au bout de ça. Et donc j'ai appris au fur et à mesure, et je m'empêchais de revenir en arrière parce que sinon j'aurais repris toutes les planches du début et c'était 2 ans de plus. Et voilà. Et au bout d'un moment, j'avais pas trop confiance. Et au bout d'un moment, par contre, par exemple, je prenais toutes les planches, je les étalais par terre et je me disais, c'est peut-être maladroit, mais il y a une cohérence dans tout ça, donc allons au bout, on verra bien ce que ça donne. Donc vraiment, un travail quand même, d'une certaine manière, à l'instinct, donc vous saviez où vous allez aller, mais et dans le fond, donc l'idée, c'est de voir un peu avec quelle durée, dans le fond, comment on va organiser, donc vous n'êtes pas lancé avec un gros découpage et 256 pages, mais plutôt directement, presque sur la page ou par chapitre. Pas du tout, j'ai écrit le scénario comme un scénario de film, okay. Ensuite j'ai tout découpé au storyboard, mais j'avais tellement pas confiance dans mon dessin que le crayonné en fait était très très détaillé, donc j'ai mis 2 ans à faire le storyboard de 300 pages, et c'est presque une autre BD en fait, mais tout au crayon, elle est hyper détaillée. Et après j'ai fait l'ancrage, et c'est vraiment la dernière année que j'ai eu un déclic sur le dessin, parce que forcément c'est comme un sport, donc plus on pratique, plus on y arrive. Et j'ai eu des déclics où j'ai acquis une certaine liberté en fait, et je prenais beaucoup plus de plaisir à la fin, et si on m'avait laissé un an de plus, j'aurais continué. Et à la limite, en fait, dans ce contexte-là, l'étape du crayonné extrêmement détaillé devenait essentielle, parce que c'était aussi d'acquérir le médium, de découvrir un peu quelle relation on veut entretenir avec ce médium-là, dans le fond. Ouais, c'était pour me rassurer, déjà, savoir où j'allais après, en fait. Et surtout, ce qui m'intéressait dans ce travail-là, c'était le découpage, la mise en scène. Moi, j'avais fait plutôt des études de cinéma, donc ce qui me plaisait, c'était l'émotion entre les cadrages. Enfin voilà, moi j'aime bien l'émotion entre les cases, même si je suis pas très illustratrice, j'aime pas l'image unique. Donc là vraiment c'était comment je pouvais jouer avec ces personnages-là et les faire vivre en fait. Oui, puis tout ça dans un côté sobre, d'une certaine manière en fait c'est essentiellement noir et blanc, il n'y a pas d'excès de parole non plus. On évite aussi la narration un peu guide touristique qui peut venir aussi dans ce qui est au départ en fait. L'amorce est un peu un récit de voyage aussi, mm-hmm. Donc on aurait pu tomber dans ces trappes-là d'une certaine manière. Ben, je me suis beaucoup posé la question de la place du texte, justement. Je voulais pas du tout que ça soit redondant ou que l'image illustre juste le texte. À chaque fois que je pouvais exprimer un sentiment dans une scène par l'image ou par l'action, j'essayais de le faire et de pas expliquer. Et surtout comme j'écrivais avant, j'écrivais des scénarios de films et des livres pour enfants. J'ai commencé au Québec en fait, avec les 400 coups. Donc je me suis méfiée en fait, je me suis dit, comme je viens de l'écriture, méfie-toi, ne tombe pas dans la facilité d'expliquer tout par les mots. Donc je me suis un peu censurée. Oui, dans le fond, pour que le dessin puisse prendre vraiment toute la place dont il avait besoin, parce qu'au final, les mots en BD portent, mais reste que l'émotion, dans le fond, est soutenue par le dessin, par les traits, par les regards, par les cadres qu'on propose, en fait, comme vous disiez tantôt, dans le fond. Ben, j'espère. Après, moi, je sais que c'était en tout cas le médium le plus adapté, le roman graphique, parce qu'il y avait quand même un peu la place pour le texte. Et cette BD, je l'ai structurée et écrite à partir de carnets que j'ai fait pendant 10 ans là-bas, en fait, donc qui sont que des carnets écrits. Il y avait très peu de dessins. Donc c'était quand même important qu'il reste des mots, mais effectivement, c'est un mélange des deux, quoi. Et dans un contexte comme ça, en fait, vous dites, les carnets, donc, étaient extrêmement détaillés au niveau écrit, donc ce fait que vous aviez le contexte, en fait, le souvenir de ce que vous avez vécu, mais est-ce que, dans le fond, on y retourne quand le projet de BD est devenu plus clair, on s'est dit, OK, on y retourne avec des carnets de dessin, avec des appareils photo, on va se documenter ou... En fait, je me suis pas du tout documentée et même j'avais aucun réflexe de regarder Google Images ou des choses comme ça. Donc, je dessinais les scènes de mémoire, les lieux de mémoire. Et quand je retournais au Vietnam, je me disais, ah oui, ça ressemble quand même. J'ai gardé vraiment l'impression du lieu. En fait, j'arrive jamais à me faciliter la vie. Donc, je savais pas dessiner, mais j'ai fait un roman graphique de 300 pages et je savais pas dessiner des scooters, mais je regardais pas de scooters sur Google Images. Je faisais tel que j'imaginais la notion de scooter, en fait. Donc, d'une certaine manière, à force, on assume complètement une certaine subjectivité dans l'objectivité. On se dit, ben OK, on y va avec le récit d'abord émotif et le récit du souvenir, dans le fond, qui devient plus important. Moi, j'ai compris que j'avais pas le choix, en fait. Je savais faire que ça. Et c'est un copain dessinateur qui m'a dit, une magnifique BD, s'il n'y a pas d'histoire derrière, on la referme et on n'en garde rien. Donc, je me suis juste dit, bon, ben, ça sera peut-être maladroit, mais... Je veux parler de cette petite fille et c'est maladroit mais sincère, dans le fond. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui faisait, peut-être, justement, pour revenir à cette petite fille du Vietnam, donc qui est encore votre amie, en fait, qu'est-ce qui a fait dans son histoire que vous aviez envie de la raconter et d'entremêler, dans le fond, aussi vos deux existences? Parce que c'est un peu ça, c'est ces deux récits en parallèle qui s'entrecroisent. Ce qui a fait, c'est que, en fait, elle m'a touchée. Elle avait 12 ans, elle était très, très lucide. Et cette lucidité, ça la rendait assez triste. Et c'était de la voir à ce stade de basculement, en fait. C'est très rare à notre époque d'être dans un pays où on voit les choses qui changent. Il y a 15 ans au Vietnam, c'était vraiment l'arrivée de la modernité, de la consommation, du capitalisme. Le pays s'ouvrait et c'était vraiment bombardé par tout ce qu'on connaît, nous, de nos sociétés de consommation. Et cette petite fille était d'une société très traditionnelle. Et elle était vraiment au seuil, en fait, du changement. Et peut-être que moi, j'étais à une époque où j'avais du mal à passer à l'âge adulte et à accepter ce changement. Et de la voir, elle, dans cette situation radicale, en plus, m'a touchée. Après, il y a beaucoup d'inconscients et on le comprend au bout de 10 ans. Oui, en fait, de confronter un peu, dans le fond, la force de cette jeune fille-là dans ce qu'elle vit de difficile. Puis de votre côté, dans le fond, vous qui vous cherchiez à l'époque, dans un contexte où votre famille était très proxime aussi, où il y avait cette vie familiale très forte, mais duquel il fallait que vous en fait, de ce que j'en comprends, que vous en sortiez pour réussir à devenir la personne que vous êtes devenue, dans le fond. Ben, je pense que c'était les deux questionnements qu'on avait et que j'imagine toute personne, et particulièrement toute femme, se pose aujourd'hui à notre époque. C'est comment devenir qui on a envie d'être dans une société où il faut encore quand même se battre pour le faire et pour être tout à la fois. Elle avait des questionnements tout simplement de savoir comment elle pouvait être libre, quel travail elle pouvait faire, est-ce qu'elle voulait vraiment se marier, ça voulait dire renoncer à tous ses rêves. Moi j'avais juste des questionnements, c'était pas des questions de liberté, c'était plutôt de est-ce que l'amour allait durer, est-ce que... Après on avait des points communs sur nos familles aussi et c'était vraiment... on s'est retrouvés sur plein de points communs, sur nos pères, sur les envies qu'on avait d'accomplir dans la vie et... Et c'est vraiment initiatique, en fait. C'était chacune à notre manière, on avait besoin de s'extirper de notre milieu avec beaucoup de points communs. Oui, donc d'être confronté un peu à une réalité qui est similaire, mais qui est extrêmement éloignée en termes géographiques, en termes culturels aussi. Donc ça permet, j'imagine, de mieux mettre de l'avant notre spécificité, puis qu'est-ce qu'on veut peut-être changer, faire évoluer, transformer le reste. Ah, c'est sûr qu'à son contact, je me suis rendu compte de toute la chance qu'on avait voilà, dans nos sociétés à nous. Et je pense que mon regard là... Ça n'a pas été facile à chaque fois, parce qu'elle me demandait des conseils, parfois, sur les choix de vie qu'elle pouvait faire, et c'était très compliqué de la conseiller en tant que petite Parisienne. Voilà, sur le mariage, par exemple, si elle n'épousait pas cette personne, elle était bannie de son village, et moi, évidemment, je lui disais, ne l'épouse pas, si tu l'aimes pas, c'est un mariage arrangé. Mais on ne peut pas intervenir comme ça les histoires de culture et de... C'est comme avec le Vietnam, on voit le Vietnam changer à toute vitesse et on peut pas vraiment empêcher ça en fait. On peut pas arriver en tant que Français et dire vous devez pas passer par là, hein, alors que nous-mêmes on est tous passés par là. Et dans ce contexte-là, elle, est-ce que comment elle a reçu cette proposition, cet album-là? Alors elle l'a pas vu parce que je peux pas l'envoyer par la poste parce que les minorités ethniques reçoivent pas tellement les courriers par la poste vietnamienne, donc faut que je lui porte. Mais elle a toujours été très bienveillante et il n'y a pas de bande dessinée au Vietnam, donc ça a mis plusieurs années à ce qu'elle comprenne ce que je faisais. Et au bout du compte, elle m'a traduit tous les passages en Hmong. En plus, c'est des passages dans sa langue à elle, donc qui parlent de choses très polémiques sur sa mère qui l'empêche de vivre libre avec un garçon, qui la force à se marier, qui lui dit de ne pas être amie avec moi parce que je suis une touriste. Donc quand elle a traduit ces passages, elle m'a beaucoup surprise parce que j'ai eu peur qu'elle juge et qu'elle dise « tu peux pas raconter ça ». Et en fait, elle m'a dit « c'est très bien de faire ça, c'est important de parler de ça et merci de parler de notre réalité ». Et tout ça dans le contexte aussi où, en terminant, les brumes de Sapa, deux choses en fait. D'un côté, j'ai l'impression que vous cherchez, Lelita Séchant, à travers ça, à montrer la force des moments, de ces instants-là qui d'emblée peuvent paraître anodins, mais qui prennent peut-être une résonance toute particulière dans le contexte où elles s'inscrivent. Donc, il y a beaucoup de cette volonté-là, j'ai l'impression, dans le choix de ce que des événements que vous avez choisis, dans le fond, des moments marquants qui jalonnent la bande dessinée que vous proposez. J'ai essayé de le construire avec... Déjà, c'était assez difficile de faire ça parce que pour faire une BD autobiographique, il faut quand même avoir digéré ce qu'on a vécu. Donc, j'ai essayé de le construire avec des moments importants, des étapes charnières comme ça dans nos vies, de choix de famille, de choix de métier, des moments d'émancipation. Et puis aussi de noter des petits riens qui, moi, m'ont construite. L'arrivée dans ces montagnes à 2000 mètres d'altitude, à 5h30 du matin en train avec la brume qui baigne les montagnes et mettre le nez à la fenêtre du train et tout d'un coup de retrouver l'odeur du Vietnam et avoir l'impression de faire partie de ce pays alors que je suis tout à fait étrangère, c'est des petites choses que je voulais garder. Et tout ça dans le contexte d'un album qui, évidemment, s'intéresse à une période charnière de votre vie, qui est des faits lui-même dont la réalisation, comme on le disait, représente une période charnière de votre vie aussi, mais sans souvent des questions, souvent des préoccupations, mais sans apporter de réponse. En fait, jamais vous me dites, mais voici le sens de la vie, finalement. Ah non, je ne l'ai pas. Hein. Si vous l'avez, donnez-le-moi. Non, mais par contre, je ne pouvais pas ne pas aller au bout de cet album, mais maintenant qu'il est fini, ça m'a quand même apporté beaucoup de réponses. Ça m'a en tout cas appris à me stabiliser un peu à l'endroit où j'étais. Et est-ce que vous avez envie de vous relancer dans un deuxième 5 ans ou 2 ans, 1 an? Pas pitié. J'ai déjà commencé une autre BD qui part de la même démarche. C'est une rencontre, mais cette fois-ci au coin de ma rue avec une autre femme qui est aussi très lucide sur une situation très compliquée en France, qui a plus attrait aux attentats et à tout ce qui peut se passer. Donc c'est encore une rencontre avec une femme qui me touche et qui me bouleverse, mais qui est d'origine algérienne. Mais j'espérais faire ça vite et en fait je pense que ça va être encore 2 ans. Alors on va suivre ça dans quelques temps. Donc merci. Lelita Séchant, donc merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle, en fond, l'album s'appelle Les Brumes de Sapa. Alors toujours sur les ondes du 89.1, dernière ligne droite de cette émission spéciale en direct du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Une grosse programmation d'ailleurs qui se poursuit jusqu'à dimanche 9 avril. Entre autres, évidemment, donc un après-midi dédié à Tintin, des classes de maîtres demain au fil de la journée à la Maison de la littérature. Toujours des rencontres en BD au Musée national des beaux-arts du Québec. Alors je vous incite à aller faire un tour sur le www.fbdfq.com pour avoir le fin mot de cette programmation. Et nous, ben, on poursuit donc avec ces rencontres qu'on s'offre avec des invités internationaux de l'événement. Et on a le plaisir maintenant d'être en compagnie d'Étienne Davodeau. Bonjour. Bonjour. Alors, en fait, au fil des lectures, je suis tombé sur une belle formule pour décrire votre travail. L'idée que vous proposez des récits qui fonctionnent par empathie plutôt que par évasion, par résonance avec la vie des gens. J'aimais bien. Je trouvais que ça représentait bien effectivement ce que vous proposez d'un album à l'autre. C'est vrai qu'en bande dessinée, moi j'aime bien, c'est un peu la même chose mais dit autrement, faire preuve plus d'observation que d'imagination. C'est-à-dire que je pars du principe qu'autour de moi, dans les vies quotidiennes des gens qui me sont proches ou dans le contexte dans lequel je vis, il y a des histoires à raconter. Et que si on est un peu attentif, on peut les trouver, on peut les raconter en bande dessinée. C'est un peu ça mon job. Et je me rappelle en fait aussi dans une autre entrevue, vous disiez quand vous étiez jeune, dans le fond, vous, ce qui vous allumait, c'était pas nécessairement les grandes étendues de Mézières dans Valérian, donc les paysages imaginaires, mais c'était plutôt la petite gare de Franquin en brumeuse, les paysages qui faisaient plus référence peut-être à un certain quotidien d'une certaine manière. Donc rapidement, vous étiez orienté vers des pistes comme celle-là. Oui, je pense que j'étais prédéterminé à avoir cette sensibilité-là, et c'est vrai que paradoxalement, la bande dessinée, notamment quand moi j'étais enfant, quand j'ai commencé à la découvrir dans les années 70-80, elle procédait surtout de l'évasion, parce que c'était le média idéal pour ça. Avec un crayon et du papier, on peut créer des planètes lointaines, on peut imaginer des mondes improbables. Mais j'aimais bien justement les gens qui s'intéressaient aux petites choses du quotidien. Et Franquin est un excellent exemple, puisque dans ces Gaston Lagaffe, qui sont pour moi des livres importants, même encore maintenant à 52 ans, il y avait ce souci du détail, effectivement les petites gares dans la brume, les petites rues délabrées de Bruxelles, tous ces trucs-là avaient une poésie et une vérité, et en plus avec le dessin de Franquin qui est quand même une sorte de dieu du dessin, qui m'a touché très très tôt et qui m'a jamais lâché. Et parce qu'à travers tout ça, ça reste difficile aussi, sinon de vous qualifier au dehors, j'ai l'impression, de cette démarche-là, dans la mesure où vous n'avez pas de recette, en fait. On ne peut pas vous cantonner à la BD documentaire, on ne peut pas vous cantonner à la BD de fiction, mais humaine. Vous ne faites pas uniquement qu'un truc, dans le fond, vous faites une variété de trucs, et j'ai l'impression qu'à chaque album, oui, en fait, l'identité visuelle reste la même. En fait, ça reste le dessin d'Étienne Davodeau, mais le dessin d'Étienne Davodeau dans différents contextes, dans différents sujets, dans différents engagements, dans différents contextes. Oui. Il est même possible que d'un point de vue éditorial, ce soit un peu emmerdant. Mais ça, c'est pas mon problème. Et effectivement, moi, j'aime bien l'idée d'être papillonné, de chercher des nouvelles façons d'utiliser la bande dessinée et des nouvelles façons de la frotter au réel pour raconter ce que j'y trouve. C'est une démarche, moi, qui m'intéresse beaucoup. Et effectivement, je le fais sous forme de livres de non-fiction, c'est-à-dire qui relèvent du documentaire, de la biographie et de l'enquête. Mais je le fais aussi sous forme de fiction. Et à chaque fois, c'est vraiment le sujet qui me porte. Mais je ne m'interdis ni la fiction, ni la non-fiction. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'explorer ce que la bande dessinée peut faire. Et quand je pense à ça, à des glorieux anciens, comme, je sais pas, Maurice, par exemple, qui toute sa vie, sauf erreur de ma part, n'a fait que Lucky Luke. Pardon, c'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très important. Mais cette façon de pratiquer de la bande dessinée en creusant le même sillon tout au long de sa carrière, c'est quelque chose qui, moi, me terrifie un peu. Et j'aime bien faire des bouquins différents, des formes différentes, des collaborations différentes. Voilà, j'ai aucune raison de me priver, en fait. Je suis assez gourmand comme type. Et des fois avec justement des collaborations, des fois de manière plus solo, de s'amuser un peu avec différents contextes. Mais qu'est-ce qui vous amène justement vers un sujet ou un autre? En fait, des ignorants à ruraux, de chers pays de notre enfance à Lulu Famenu. Bon, il y a l'humain qui est au cœur de ça. C'est un peu une volonté d'une certaine manière de donner une parole à des sujets ou à des individus qu'on n'aurait pas nécessairement soit porté à la BD, soit à qui on n'aurait pas nécessairement donné le micro. C'est à peu près ça, oui. C'est-à-dire qu'avec le temps, j'ai développé des sortes d'antennes qui me permettent d'accrocher des choses qui passent dans mon sillage et dont je me dis que ça peut faire un livre. Donc voilà, je passe mon temps à écouter, à regarder les gens, à me dire « Tiens, ça m'intéresse, cette partie de la vie de ce type m'intéresse. Cette anecdote qu'on me raconte me semble transformable peut-être, mais racontable. » Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment être attentif en permanence à ce qui se passe autour de soi. Et à faire preuve vraiment d'observation, c'est-à-dire que pour moi l'enjeu il est de raconter ce qui se passe là où je suis, là où je vis. C'est pour ça que j'ai du mal à, par exemple, imaginer un western, parce que j'étais pas au Kansas en 1830. Mais c'est quelque chose qui m'empêche. J'admire les grands dessinateurs de western, évidemment, mais moi j'ai besoin de passer par l'expérience personnelle pour me sentir légitime à raconter quelque chose en bande dessinée. Et c'est une règle dont je déroge pas, à la fois parce qu'elle m'intéresse, puis en même temps parce qu'elle me conditionne. Et tout ça avec un dessin qui reste, en fait, je me mentionnais, le dessin qui reste quand même présent, similaire, en fait, c'est votre griffe, mais qui reste aussi sobre. Et je vous entendais tantôt dire, ben, justement, la bande dessinée, c'est un outil, c'est un médium. Dans le fond, l'essentiel pour vous, c'est l'histoire. Et ensuite, le dessin vient supporter. Enfin, on fait le choix de présenter cette histoire-là par la bande dessinée, mais l'histoire reste au cœur, l'humain reste au cœur de l'histoire, l'histoire reste au cœur de l'album, dans le fond. Oui. Alors, en disant ça, il est hors de question pour moi de rabaisser le dessin, qui est une activité qui est essentielle dans ma vie, au même titre que de manger, boire, et respirer et dormir. Le dessin est important pour moi, mais dans le cadre d'un livre de bande dessinée, il a une fonction assez précise à laquelle il doit se tenir. Il a une fonction narrative. Quand je fais de la bande dessinée, je ne fais pas du dessin, je fais du récit. Et le dessin est l'outil. Mais l'outil, c'est quelque chose d'évidemment très important. Et je ne crois pas que la bande dessinée soit l'endroit idéal pour que les dessinateurs flamboyants s'expriment. La bande dessinée, c'est du dessin sous contrainte. Il y a des cases, il y a des bulles, il y a une répétition, une juxtaposition d'images en petit format. Mon goût naturel va vers les dessinateurs qui ont un langage assez brut, assez efficace. Et les virtuoses, pour tout dire, ne me touchent pas souvent, en fait. Et j'imagine que c'est une décision comme ça, une perspective qui vous amène, par exemple, dans Cher pays de notre enfance, ben c'est essentiellement des entretiens. Donc, le côté graphique, dans le fond, doit prendre... Comme l'histoire fonctionne et cogne, dans le fond, par elle-même, c'est de faire le choix de mettre un peu le graphisme en retrait, d'une certaine manière, et d'assumer que ce ne sera pas, comme vous dites, un album éclatant d'un point de vue graphique, mais où, dans le fond, il y a quelque chose de parfaitement imbriqué entre le récit et les choix visuels qu'on a fait pour porter, justement, ce récit-là. Oui, c'est ça. En bande dessinée, le dessin est une écriture. En gros, par rapport à un romancier, j'utilise les 26 lettres de l'alphabet plus une très importante qui est le dessin. Et la bande dessinée, pour moi, c'est vraiment un assemblage de tout ça, et c'est un langage qui a ses règles propres, qui a ses capacités propres, et c'est ça que j'aime explorer. Mais dans ce cadre-là, effectivement, je choisis de développer un style graphique qui ne me sert qu'à ça, en quelque sorte. Du dessin d'après nature, du dessin d'après modèle, du dessin quand je voyage, c'est un dessin différent, c'est un dessin libre, c'est un dessin qui peut vagabonder, qui peut se transformer. Mais en bande dessinée, j'ai besoin de le tenir, en quelque sorte. Oui, puis en fait, c'est que selon aussi, on voit quand même une étendue dans ce que vous êtes capable d'offrir, côté dessin, autant plus réservé peut-être dans Cher pays de notre enfance, autant un dessin qui est porteur d'une grande mélancolie dans le lui femme nu, les moments de silence là-dedans qui sont extrêmement touchants, où dans le fond, on réussit à camper d'autres ambiances, donc on joue un peu avec quand même un beau barème, mais en se posant, j'imagine, la question, à quoi le dessin va servir dans le contexte de cette histoire-là? Oui, et il y a un truc qui est vraiment important pour moi aussi, mais ça, c'est presque d'ordre musical, c'est le rythme d'un livre. Pour moi, dans un livre de bande dessinée, il y a une ligne de basse, il y a une mélodie, il y a des refrains, il y a un rythme. Et le dessin contribue vraiment à ça. Et quand vous parlez des plages de silence, notamment dans le Lufamu, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Le silence en bande dessinée, quand c'est bien fait, ça marche super. Moi, j'adore ça. Il y a des grands auteurs qui savent le faire, des gens comme Cosset, des gens comme ça, qui savent installer un vrai silence et qui dure. Le truc, c'est qu'en bande dessinée, la durée, elle n'appartient pas à l'auteur, elle appartient au lecteur. Le lecteur passe le temps qu'il veut sur chaque page, sur chaque page, sur chaque image. Contrairement au cinéma, où on voit tous un film d'une heure et demie. Hein. Et c'est cette liberté du lecteur avec laquelle j'aime bien jouer. C'est-à-dire que je propose au lecteur des moments où on peut se poser un peu. Je propose au lecteur des moments où ça accélère. Mais c'est le lecteur qui décide. Et cette interaction-là aussi m'intéresse beaucoup. Effectivement, puis à la limite même, en fait, contrairement au cinéma où on est dans une ligne droite et on ne peut pas revenir en arrière, le lecteur BD peut voir un détail et décider de retourner 5 pages en arrière. Donc, dans le fond, de jouer même un peu avec la structure du livre, de décomposer, de le recomposer. Oui, c'est ça, on peut. Alors, pour moi, l'idéal, c'est de choper le lecteur au début de la première page et de ne le lâcher qu'à la fin de la dernière page. Donc, s'il se met à papillonner, à revenir en arrière parce qu'il a pas pigé, c'est que j'ai merdé, c'est que j'ai échoué. Donc j'ai fait attention à ça, mais ça m'arrive, enfin je veux dire, ça nous arrive à tous de ne pas avoir choisi le bon angle, la bonne technique narrative, le bon cadrage, le bon dialogue, ça, il y a forcément des choses que... Enfin moi, dès que je reçois un de mes livres tout frais sorti de l'imprimerie et que je l'ouvre, je vois surtout les erreurs, je vois surtout ce que j'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est trop tard. Et donc, la vertu du truc, c'est que ça me donne envie de continuer. le jour où je ferai un livre qui correspond très exactement au plan que j'avais en tête, je crois que je suis un homme mort parce que le bouquin suivant n'a plus d'intérêt. Et vous dites en fait que côté décision et direction éditoriale, dans le sens, c'est assez difficile parce que vous papillonnez un peu, mais d'un autre côté, vous êtes un peu, j'imagine, votre propre direction éditoriale. Dans la mesure où les lecteurs qui vous suivent finissent par vous suivre en termes de sensibilité face au sujet, donc un sujet qui vous préoccupe, si moi, ben, je vous suis comme lecteur, eh bien, à la longue, peut-être que ce qui vous touche me touche. Et donc, dans le fond, on partage une certaine sensibilité, puisque, dans le fond, je reçois ce que vous émettez et j'aime à recevoir, dans le fond, ce qui est émis au fil du temps, peu importe, dans le fond, le degré de papillonnage dans lequel on s'en va. Oui, et ça, c'est une immense chance que j'ai. C'est-à-dire que avec le temps, moi, ça fait 25 ans maintenant que je fais des livres de bande dessinée. Avec le temps, il y a suffisamment de personnes qui me suivent, qui me sont fidèles, et je les en remercie chaque matin en me levant, pour me permettre de faire les livres que j'ai envie de faire. Et mes éditeurs le savent et me donnent cette liberté-là que je prétends obtenir malgré tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est ouvert. La bande dessinée a beaucoup changé en 20 ans. Les sujets, les formats, l'arrivée du reportage, du documentaire. Enfin, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont lieu qui n'étaient pas possibles dans les années 90, par exemple. Et quand on travaille dans cette période-là, qu'on a la chance de travailler dans cette période-là, ce serait quand même assez idiot de ne pas profiter de cette liberté-là. Et moi, j'ai bien l'intention de me gaver de cette liberté jusqu'à ma mort. Quoi. Et de la revendiquer d'une certaine manière aussi, parce que je me rappelle, je crois que c'est dans Ruraux, vous me corrigez si je me trompe, mais même si, dans le fond, il y avait eu d'autres BD reportages, BD documentaires dans les années auparavant, vous avez ressenti le besoin, à l'époque, de dire ben, la BD n'a pas qu'à traiter que de fiction. En fait, la BD peut aussi traiter de la réalité et de mettre un peu, entre guillemets, le poing sur la table, d'une certaine façon, en revendiquant cette possibilité-là, alors qu'aujourd'hui, dans le fond, ben, la BD documentaire est devenue presque un effet de mode. Il y en a beaucoup plus qu'il y en avait à l'époque. C'est vrai. Moi, quand j'ai publié Rural, c'était en 2001, et c'est vrai qu'en France, il en existait très peu, des livres qui n'étaient pas des fictions. Le problème, c'est l'idée de dénommer. Est-ce que c'est du reportage, du documentaire, de l'autobiographie? C'est parfois un peu les trois à mélanger. Donc, disons de la bande dessinée de non-fiction, pour être assez général. Mais au début des années 2000, il y en avait très peu. Moi, je me souviens avoir lu les livres de Joe Sacco, qui est un auteur états-unien, et dont les livres commençaient à être traduits en français. Mais c'était très compliqué de proposer ça à un éditeur. Les gens ne savaient pas trop à quoi ça pouvait servir, ne savaient pas trop comment éditer ça, comment le proposer aux libraires et aux lecteurs. Et effectivement, maintenant, là, en 2017, ça s'est développé. Et il y a effectivement, vous avez raison, un effet de mode avec tout ce que ça comporte de négatif, c'est-à-dire que les éditeurs pensent qu'il faut en faire. Mais c'est pas un genre qui est vertueux en soi. Il y a des mauvais livres dans ce genre-là, il y a des très bons livres dans ce genre-là. Mais cet effet de mode-là, comme toutes les modes, va passer, je pense. Moi, je faisais ce genre de livre avant cette mode, j'en ferai après, je suis certain de ça. Oui, en fait, c'est l'idée, c'est de suivre plus les sujets que de suivre les tendances, d'une certaine manière. Et c'est un peu le défi aussi, la possibilité que vous avez à travers tout ça, et en même temps, d'être, j'imagine, ben, vous dites, à l'écoute des sujets, et à l'écoute, j'imagine, à la recherche aussi pour trouver les gens qui sont porteurs de ces sujets-là. Dans les ignorants, c'est quoi? C'est votre voisin, si je ne me trompe pas. À un moment donné, vous vouliez vous intéresser à cette personne-là, et à un moment donné, j'imagine qu'il y a eu le déclic, qu'il y avait une initiation croisée à faire, si on peut dire, mais qui n'est pas... C'est pas un sujet qui s'est imposé dès le départ à la première rencontre non plus avec cet individu. Non, c'est vrai. En fait, le sujet n'est pas tout. Il faut trouver aussi la porte d'entrée, la façon dont on va le traiter. Dans le cas des ignorants, c'est effectivement ça. Richard Leroy est un vigneron qui vit à 300 mètres de chez moi, que je connais depuis presque 20 ans. Ça fait des années que je me dis que ce type-là, sa pratique du vin, son rapport à la vigne, ça serait un sujet. Mais ça fait des années que je trouve pas l'entrée. Et je n'ai trouvé l'entrée que le jour où il est venu un jour dans mon atelier où j'étais en train de dessiner, de faire des couleurs sur Lulu Famenu, justement. Et où il m'a posé des questions tellement imbéciles que j'ai compris que ce type qui a une sommité dans le monde du vin, qui a une culture gigantesque, en bande dessinée était un puceau, quoi. Et du coup, là, l'échange possible m'est apparu. C'est-à-dire que moi, je connais bien la bande dessinée, je connais pas bien le vin. Lui, c'est l'inverse. Voilà. Il y avait une symétrie intéressante. Et ça, c'est pour ça que ça s'appelle Les Ignorants. Mais il m'a fallu des années pour trouver ce petit déclic, et le reste est venu après assez facilement, finalement. Et dans le cas de Cher Pays de notre enfance, est-ce que c'est Benoît Colomba qui est venu vous porter un peu l'idée du sujet, de s'intéresser un peu à des périodes plus sombres, un peu de la Ve République ou... C'est une rencontre qui a été occasionnée par la création d'une revue en France qui s'appelle La Revue Dessinée, qui est une excellente revue, une revue trimestrielle, qui ne se consacre qu'à la bande dessinée de non-fiction. Et qui a pensé que ce que faisait Benoît Colomba, qui à France Inter, donc la radio nationale à Paris, est vraiment un spécialiste des affaires politiques, que lui et moi, on pouvait peut-être faire quelque chose ensemble. Donc c'est eux deux, enfin c'est cette revue qui nous a permis de nous rencontrer, et très rapidement, il s'est avéré qu'ils avaient raison et qu'on avait un sujet qui nous intéressait tous les deux, c'était les dessous de l'histoire politique française des années 70-80, la violence politique française, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, c'était pas une période si calme que ça. Et c'est comme ça qu'on a démarré cette enquête qui est devenue le cher pays de notre enfance. Donc contrairement peut-être aux ignorants où l'angle est venu à la longue, dans le cas du code de cher pays de notre enfance, ben l'angle est venu rapidement. Dans c'est très c'est étonnant. Ça. Moi, je suis un type extrêmement hésitant et méfiant quand je commence un livre. Je tergiverse pendant des semaines ou des mois. Là, j'ai rencontré Benoît Colomba lors d'un déjeuner. À l'apéro, on a commencé à parler. Au dessert, on avait le plan du livre. Enfin, c'est miraculeux, quoi. Oui, après, tout reste à faire, évidemment. Mais c'est vrai que l'idée du livre nous est venue très, très vite. Et on avait tous les deux des travaux à finir. Moi, je terminais les ignorants, je crois. Donc, on a laissé tomber quelques mois. Mais dès qu'on a pu s'y mettre, on s'y est mis, dès qu'on a été libres tous les deux. Donc, c'est dans le fond de vagabonder d'un sujet à l'autre. Dans le cadre rural, en fait, ruraux, c'est un peu vos parents, dans le fond, de certaine façon, de votre un certain héritage syndical. Dans les mauvais gens. Oui, dans les mauvais gens, voilà, oui, c'est oui. ça. Dans les mauvais gens, les mauvais gens, c'est mon livre le plus autobiographique, puisqu'il je tente d'y décrire le milieu dans lequel j'ai grandi et la façon dont le milieu dans lequel on grandit, tous, nous façonne quand on est devenu adulte. Moi, je suis né dans l'ouest de la France, dans les années 60, dans un tout petit village et dans un milieu de gens qui étaient des ouvriers, militants syndicaux, politiques, associatifs et chrétiens. Parce que dans l'ouest de la France, à cette époque-là en tout cas, on ne pouvait rien faire qui ne soit pas catholique ou chrétien. Donc je suis né là-dedans, j'ai eu une éducation catholique que dès l'adolescence, j'ai jeté loin de moi, mais c'est ce qui m'a conditionné. Et c'est une enquête autour de ça, les mauvais gens. Et c'était une enquête qui est difficile à faire parce que la patte qu'on manipule, c'est l'histoire de notre famille, c'est nos rapports avec les gens qui nous sont proches. Et c'est le livre le plus compliqué que j'ai eu à faire, je crois. Oui, mais à un moment donné, l'enfant, on le regarde et on se dit, ben, ok, c'est le moment, c'est le temps de se lancer. Comme créateur, je maîtrise assez ma pratique où j'ai envie de me lancer dans cette fosse au lion-là. Ouais, j'ai plus envie que je n'ai l'impression de maîtriser parce que je n'ai pas l'impression de maîtriser. J'ai l'impression d'avoir envie d'aller explorer des trucs que je maîtrise pas, justement. Ce qui est un peu casse-gueule. Mais ce qui rend l'expérience intéressante. Je me méfie beaucoup de la maîtrise. Je me méfie beaucoup de ce que je sais faire. Parce que quand je sais faire quelque chose, c'est foutu, je suis endormi. Il faut que j'aille il faut que je sorte de ce qu'on appelle la zone de confort. La zone où on maîtrise les choses, c'est une zone qui est déjà morte. Oui, un peu comme vous disiez tantôt, dans le fond, si vous arrivez avec le livre que vous pensiez à la fin, au départ, ben, si vous étiez peut-être un peu trop dans votre zone de confort, un peu trop assis, ben dans ce cas-là, il faut que vous trouviez une autre façon de vous remettre en danger, dans le fond. C'est ça. Mais j'aime bien ce qu'a dit un jour Paul Auster, l'écrivain new-yorkais, à propos de l'acte d'écrire. Mais quand je dis écrire, c'est aussi dessiner en bande dessinée. Il dit écrire, c'est se confronter tous les jours à sa propre stupidité. Et j'aime bien cette idée, moi, d'aller taper contre le truc qu'on sait pas faire. Alors c'est un peu exaspérant parce que c'est une source d'échec, mais c'est aussi une source d'évolution. Alors, ben, on invite les gens à papillonner, si vous ne connaissez pas, évidemment, ben, j'en doute, mais bon, à papillonner. Sinon, les autres, ben, évidemment, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire les derniers ouvrages d'Étienne Davodeau, ben, c'est toujours l'occasion de le faire. Monsieur Davodeau, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, ce sera des restes du festival, des entrevues qui s'en viennent, notamment avec Nyx, avec Alex Salis et avec d'autres. Alors, ben, suivez-nous vendredi prochain à compter de 17h30 sur les ondes du 89.1. C'était Raymond Poirier au micro, Simon Roy à la mise en onde, Michel Gauthier au RL Studio. Merci à vous tous et toutes d'avoir été à l'écoute. La Vie en BD vous a été présentée en direct du Centre des congrès de Québec dans le cadre du Festival de la BD francophone de Québec.